La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Il est l'écrivain de notre jeunesse car on l'étudie à l'école et ce n'est que justice qu'on le lise à tout âge car il a travaillé ses phrases pour les rendre claires comme du cristal, c'est ce qu'il disait, accessible à tous afin de faire comprendre par le biais des émotions les messages sociaux qu'il portait. De sa langue, on a parfois dit qu'elle était chaotique et on l'a jugée sévèrement, mais elle est aussi le reflet d'une vie qui avance par chaos, comme les wagons dans les mines de charbon ou les charrettes sur le pavé de Paris qu'il décrit roman après roman. Nous avons raconté lundi la vie de cet homme qui voulait arriver, grimper dans l'échelle sociale, mais également construire une œuvre révolutionnaire. Un écrivain qui ambitionnait de décrire le réel, tout en sachant que ce qu'il transcrivait sur papier était bien l'œuvre subjective d'un artiste, comme on l'a dit hier. Un homme enfin bien ancré dans son temps, inventeur d'une école naturaliste et défenseur de Dreyfus, malgré les dangers encourus, comme nous le verrons demain. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Bonjour Frédéric Giraud. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, on va donc parler de sociologie en rapport avec Zola. Vous êtes vous-même docteur en sociologie. Votre thèse a été publiée sous le titre « Émile Zola, le déclassement et la lutte des places ». En 2016, c'était aux éditions Honoré Champion. Et vous travaillez donc depuis longtemps sur la sociologie d'Émile Zola. Pourquoi avoir choisi cet auteur en particulier ? Alors, je dirais que c'est peut-être en réaction à une phrase d'un professeur de littérature en classe préparatoire qui avait dit qu'il n'aimait pas Zola. Et je voulais peut-être lui prouver qu'on pouvait aimer Zola et l'étudier en même temps. Parce que vous-même, vous étiez lectrice de Zola. Alors, j'étais lectrice de Zola comme on peut l'être quand on est élève de lycée. J'ai découvert Zola par l'enseignement de la littérature en classe préparatoire, mais avec justement une focale qui était « Zola n'est pas un bon écrivain ». Et je voulais peut-être un peu... titiller l'amour que j'avais pour Zola en le combinant ensuite à ce qui est devenu ma passion, la sociologie. Alors, faire la sociologie d'Émile Zola, c'est un peu se mettre aussi dans les pas d'un autre grand sociologue, Bernard Lahire, qui a fait la même chose, mais avec Franz Kafka. Il était d'ailleurs venu ici nous en parler il y a quelques semaines. Comment vous vous positionnez par rapport à ce travail-là ? Alors effectivement, Bernard Lahire a été mon directeur de thèse lorsque j'ai travaillé sur Émile Zola. Donc je me situe dans la continuité, on va dire, des perspectives théoriques de Bernard Lahire, évidemment. L'idée, c'était aussi de tester sur un autre auteur, d'une autre époque, dans un autre contexte, un programme théorique avec des questionnements qui étaient spécifiques à Émile Zola, avec notamment l'intérêt pour la volonté opiniâtre d'en découdre avec le sort qui m'apparaissait être un peu le fer de bataille de l'écrivain. Et en même temps, vous n'êtes peut-être pas, comme Bernard Lahire, dans une perspective totalement bourdieusienne. Je dirais que je continue la perspective bourdieusienne en la décalant un petit peu ou en me déplaçant à l'intérieur de la théorie bourdieusienne sans rompre totalement avec le cadre, évidemment. Alors comment décalez-vous justement ? Alors décaler un petit peu à l'intérieur de la théorie bourdieusienne, ça consiste pour moi à considérer qu'il faut regarder comment un écrivain se place dans le jeu littéraire, s'y construit une place et n'y est pas placé... directement par des capitaux dont il hériterait. Donc réfléchir sur ce processus d'invention de soi comme écrivain, en quelque sorte. Donc il y a plus de liberté chez vous pour Alors Émile il n'y a Zola. Pas plus de liberté, parce que justement, quand on se donne pour objectif de regarder ce travail d'auto-positionnement dans le champ, on voit bien que l'écrivain y est conduit par une pente de trajectoire, par des dispositions, par des attentes. Mais juste, il faut mettre ça au centre de l'analyse, ce que je considère, et Bernard Lahire, je pense aussi que Pierre Bourdieu ne fait pas suffisamment. Ouais. Zola ne pouvait que devenir Zola ? Alors, lorsqu'on porte attention aux socialisations, comme je le fais, au contexte de vie, au contexte de fabrication de ces manières de voir le monde social, oui, Zola ne pouvait que devenir Zola, en tout cas le Zola des Rougon-Macquart tel que moi je l'étudie. Mmh. Alors on va voir qu'en effet il y a certains aspects biographiques de Zola qui sont très importants. La mort du père a été très déterminante, mais il ne s'agit pas non plus de raconter la vie de Zola comme on l'a fait lundi avec Henri Mitran. Vous dites que ce que vous avez fait vous, Frédéric Giraud, c'est reconstruire le point de vue de l'auteur. Qu'est-ce que vous voulez dire avec cette formule ? Alors, l'objectif qui a été le mien, c'était vraiment de partir des biographies et justement du travail des biographes de Zola pour essayer d'objectiver quelque chose, de reprouver à partir de matériaux, des lettres, le point de vue d'Émile Zola, c'est-à-dire le point de vue sur le monde social, la façon dont il voyait le monde social et la façon dont il a été poussé à voir le monde social de cette manière par le contexte dans lequel il s'insérait, c'est-à-dire la manière dont sa mère vivait les procès pour la garder la Société du Canal et lui garder le nom de Zola, la manière dont il a échoué au baccalauréat, la manière dont il avait des amis, des camarades d'école qui étaient Cézanne, qui étaient Baille et qui ont donc contribué à façonner une manière de s'investir dans le monde, d'y prendre part et du coup de le percevoir et de lui donner envie de le donner à voir d'une certaine manière, de l'écrire d'une manière un peu critique, un peu énervée, mais aussi opiniâtre. Oui. De s'investir et même de s'investir beaucoup, parce que c'était un immense travailleur. Le travail, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les sociologues, c'était le cœur de la vie d'Émile Zola. Alors effectivement, pour Émile Zola, c'était vraiment une volonté d'apparaître comme un écrivain du travail, un écrivain qui travaillait, à la différence de nombreux auteurs à la fin du 19e siècle qui ne revendiquait pas du tout cette posture, cette façon de se présenter dans le champ littéraire. Émile Zola revendique complètement d'être un écrivain qui travaille jour après jour à ses romans. Il en écrit un par an, il a un travail de critique littéraire à côté, il est journaliste, il est homme de théâtre, il fait ses traductions, donc il est au travail dans ses romans, mais il est aussi un écrivain entrepreneurial, au sens où c'est un homme d'affaires qui gère sa carrière comme un entrepreneur, un homme d'affaires pour lui-même. Ce qui le décale sorte. Aussi par rapport à d'autres postures d'écrivain qui seraient justement la posture de la facilité, l'idée qu'au fond, on ne doit pas voir le travail, on ne doit pas sentir le travail, on doit même faire comme s'il n'y avait pas de travail. Oui, Zola se différencie complètement de ces auteurs-là, puisque pour lui, c'est vraiment une fierté que d'apparaître comme un homme du travail. Et on le voit travailler... Comme un artisan, alors. Voilà, un artisan des lettres qui en tire profit pécunier et qui veut en tirer une légitimité symbolique. Et c'est vraiment le double positionnement de Zola qui veut jouer en quelque sorte sur les deux tableaux sans en maîtriser totalement les ficelles. Du coup, de manière assez logique, il traduit dans ses œuvres le sentiment que vous venez d'expliquer à travers certains de ses personnages. Par exemple, Sandoz, qui est le double écrivain de Zola, qu'on retrouve dans certains de ses romans et en particulier dans l'œuvre. Je vous propose d'écouter justement un extrait de ce roman, lu par Guillaume Gallienne. Écoute, le travail a pris mon existence. Peu à peu, il m'a volé ma mère, ma femme, tout ce que j'aime. C'est le germe apporté dans le crâne qui mange la cervelle, qui envahit le tronc, les membres, qui ronge le corps entier. Dès que je saute du lit le matin, le travail m'empoigne, me cloue à ma table, sans me laisser respirer une bouffée de grand air. Puis il me suit au déjeuner, je remâche sourdement mes phrases avec mon pain. Puis il m'accompagne quand je sors, rentre dîner dans mon assiette, se couche le soir sur mon oreiller, si impitoyable que jamais je n'ai le pouvoir d'arrêter l'œuvre en train dont la végétation continue jusqu'au fond de mon sommeil. Et plus un être n'existe en dehors. Je monte embrasser ma mère, tellement distrait que 10 minutes après l'avoir quittée, je me demande si je lui ai réellement dit bonjour. Ma pauvre femme n'a pas de mari, je ne suis plus avec elle même lorsque nos mains se touchent. Parfois la sensation aiguë me vient que je leur rends les journées tristes, et j'en ai un grand remords, car le bonheur est uniquement fait de bonté, de franchise et de gaieté dans un ménage. Mais est-ce que je puis m'échapper des pattes du monstre ? Tout de suite je retombe au somnambulisme des heures de création, aux indifférences et aux maussaderies de mon idée fixe. Tant mieux si les pages du matin ont bien marché, tant pis si une d'elles est restée en détresse. La maison rira ou pleurera selon le bon plaisir du travail dévorateur. Pas une sortie au soleil matinal, pas une escapade chez un ami, pas une folie de paresse. jusqu'à ma volonté qui y passe. L'habitude est prise, j'ai fermé la porte du monde derrière moi et j'ai jeté la clé par la fenêtre. Plus rien dans mon trou que le travail et moi, et il me mangera, et il n'y aura plus rien, plus rien. Je rassure ceux de nos auditeurs qui ont pensé que Guillaume Gallienne avait beaucoup changé de voix. Il s'agit en réalité de Roger Pigault. Qu'est-ce qu'on entend là, dans cette archive, Frédéric Giraud, de Zola lui-même à travers son personnage de Sandoz ? On entend Zola qui, à travers son double fictif, comme vous le disiez, s'impose un régime de travail quotidien, ce que j'analyse comme un rite génétique qui lui permet d'écrire les Rougon-Macquart et surtout de soutenir l'effort sur les longues années que constituent les Rougon-Macquart. On entend ici surtout une note négative, en quelque sorte, qui n'est pas ce par quoi j'aurais forcément... l'exemple que j'aurais pris pour parler de l'œuvre... Qu'est-ce que vous auriez pris plutôt comme type J'aurais pris un extrait où Zola mettait en scène l'ascension sociale qu'il conquiert par les lettres. Dans le roman où justement il se met en scène au travail, il met aussi en scène des repas qui se passent dans trois appartements différents et qui permettent de dégrainer son ascension sociale par les lettres. Et un certain nombre de phrases qui sont mises dans la bouche de son double donnent à lire que le travail permet de conquérir l'aisance sociale et l'aisance matérielle que Zola a toujours recherché, et le nerf en quelque sorte de la guerre et de l'écriture des Rougon-Macquart est là. Parce que c'est tout de même, et on l'oublie assez souvent, quelqu'un qui a voulu très tôt arriver. Il y a d'ailleurs une scène assez célèbre de rencontre entre Zola et les frères Goncourt, où les frères Goncourt sont étonnés de voir ce jeune homme arriver avec une ambition qui leur semble démesurée. Il doit avoir 27 ou 28 ans à cette époque-là quand il leur expose son projet pour les Rougon-Macquart. Donc on sent cette volonté-là d'arriver. La volonté d'arriver, on la sent même bien plus tôt. Il y a des extraits de correspondance de Zola, de ses lettres à Baille et à Cézanne en 1860, 25 juin 1860 par exemple, où Zola écrit à Cézanne, dit à Marguerite de signer de mon nom cette lettre. Il n'y a pas lieu de prendre un pseudonyme parce que de toute manière je serai connu et on publiera sous mon nom plus tard. Et c'est vraiment cette idée de reconnaissance de soi par le travail qui se donne à voir très tôt. Et effectivement, cela étonne beaucoup les frères Goncourt, et ça les énerve quelque peu. Il y a un peu d'arrogance quand même chez le jeune Zola. Alors, il y a de l'arrogance, il y a de la confiance en soi, mais ça masque aussi la volonté indépassable de devoir arriver par les lettres. C'est-à-dire que Zola n'a pas d'héritage. Zola est en quelque sorte un déclassé, même s'il vit plus symboliquement le déclassement qu'il ne l'est réellement. Il a besoin d'arriver par les lettres et de construire sa réputation et de construire des gains pécuniaires par les lettres. Donc forcément, par rapport au Goncourt, ça ne passe pas correctement. S'il est déclassé, c'est parce que son père était une personnalité du petit monde aixois quand il est mort. Alors, il est déclassé parce qu'effectivement, son père avait commencé à conquérir une ascension sociale. Il était sur la phase ascendante de sa trajectoire. Et alors qu'il décède, Zola a 7 ans, et on est dans ce que Pierre Bourdieu appellerait un effet de trajectoire interrompu, à la fois parce que les gains pécuniers et les dépenses qui ont été faites par le père de Zola vont influencer toute la trajectoire sociale du petit Zola de l'époque, les conditions sociales dans lesquelles il vit, matérielles, mais aussi l'envie ensuite d'en découdre et de prendre sa revanche sur le sort, puisque si effet de trajectoire interrompu il y a, c'est bien qu'il y avait l'envie d'accéder, que la mère de Zola a intensément portée et transmise à Zola, envie d'en découdre et de réussir, que Zola a par lui-même ensuite intériorisé. Et du coup, on peut passer de la sociologie à la psychanalyse. Il accomplit ce que le père n'a pas réussi à faire quand il devient ce Zola connu dans le monde entier. Alors, on pourrait le penser, effectivement, avec le cadre de la psychanalyse. Je ne m'y risquerai pas, puisque je suis sociologue, mais effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que Zola est prompt à hériter l'héritage du nom, d'un capital de notoriété à faire fructifier. Et on peut le voir on peut en voir les traces dans la correspondance, dans les échanges qu'il y a avec sa mère, même s'ils sont rares. Et on voit que Zola intériorise le devoir de rendre mémoire, de rendre justice à son père et à l'image ternie de la mémoire de son père. Et dans l'angoisse qu'on sait être le quotidien aussi d'Émile Zola, il y a peut-être cet héritage qu'il a reçu qui est un devoir de réussir pour ses parents. Alors effectivement, il y a de rares sources qui permettent de mettre en évidence, d'objectiver réellement ce devoir de réussir pour ses parents. Mais les rares lettres qui sont conservées de sa mère avec lui, des échanges avec lui, ou les lettres de sa jeunesse avec Augustin Bail et Cézanne, permettent de montrer que Zola doit réussir. Et s'il n'a pas eu son bachot, il faut qu'il réussisse par les lettres. Et tout le travail, justement, au tout début de sa carrière, un travail de présentation de soi aux autres littéraires, à ses concurrents, c'est un travail de construction d'une personne qui doit réussir et qui s'impose, qui va chez Hachette, qui construit sa plume, un peu avec arrogance, certes, mais qui finalement arrive à construire ça, ce personnage et sa réussite. Donc vous avez étudié, Frédéric Giraud, justement ce chemin et comment Zola arrive finalement à faire sa place dans le monde des lettres. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les grandes étapes finalement et nous dire à quel moment ça devient déterminant, à quel moment finalement il arrive à émerger, non pas seulement grâce à son talent qui est évidemment immense, mais aussi parce que il a une stratégie, pourrait-on dire, pour émerger précisément. Alors c'est un travail de longue haleine, effectivement, que Zola prend à bras le corps dès qu'il commence à travailler chez Hachette au service des expéditions, où il est chargé de rédiger pour des auteurs qui ont déjà publié des romans, des courriers à l'adresse des services de presse pour faire le service de presse. Déjà, il choisit de travailler dans l'édition, voilà. Même si c'est un poste subalterne. Alors, il y rentre par la petite porte, mais c'est une position à partir de laquelle, dans l'émissive qu'il écrit pour faire la promotion des livres qui ne sont pas les siens, il joint des adresses pour dire « Regardez, essayez ma plume, vous ne le regretterez pas ». Et c'est un moyen de se faire connaître comme écrivain, comme conteur et comme romancier. Donc jouer un peu sur les deux tableaux. C'est la première phase de construction de son personnage de critique littéraire. Après, il faut qu'il s'y fasse connaître en tant que romancier. Et il va développer un travail intense de promotion, de service de presse en quelque sorte, hein, de promotion de sa propre personne comme écrivain, qu'il est nécessaire de connaître, avec qui il faut compter dans l'espace littéraire. Alors évidemment, la poésie est peut-être un médium moins facile que le roman à ce moment-là pour se faire connaître. Et c'est, selon vous, en tous les cas, Frédéric Giraud, puisque vous objectivez, c'est toujours difficile d'objectiver les artistes, mais c'est pourtant ce que vous faites. Vous pensez que si Zola a abandonné ses velléités d'être poète, c'est précisément parce que ça n'était pas suffisamment, entre guillemets, rémunérateur. Alors oui, c'est une hypothèse que je fais. Et effectivement, il y a aussi, alors il y a des extraits de lettres qui montrent que Zola n'aurait pas le talent de rimeur qu'il aurait souhaité avoir. Peut-être que même Cézanne rimait mieux que lui à l'époque. Mais effectivement, l'hypothèse que je tiens et qui me paraît recevoir des arguments pour elle, c'est effectivement que le roman est à la fin du 19e siècle le genre dans lequel on peut espérer récupérer des sous et aussi porter la nouveauté en littérature, puisque Zola écrit que il veut trouver, je cite, quelques sentiers inexplorés, donc pour imprimer sa marque sur le champ littéraire, s'y faire connaître par la nouveauté. Donc changer un peu la pente de ce qui se faisait, innover. Et quel meilleur genre pour innover à la fin du 19e siècle que le roman ? Même si c'est un genre qui est encore peu légitime, Zola va lui donner en partie sa légitimité. Donc c'est une analyse quand même de la littérature un peu comme une marchandise qui se met en scène, qui se vend. Aujourd'hui, on utiliserait le gros mot de marketing. Zola est complètement dans le marketing. Zola est un homme d'affaires. On lui a suffisamment reproché d'ailleurs. Barbé d'Aurevilly, les Goncourt, lui reprochent... À quel moment que lui a-t-on dit justement ? On lui reproche d'être un homme qui s'intéresse à la publicité, qui s'intéresse aux rentrées d'argent pécuniaires, et de se comporter comme un homme vénal, en quelque sorte, qui n'a d'intérêt que pour l'argent, alors même qu'il devrait passer son temps à polir ses phrases. Mais Zola de répondre, notamment Goncourt, qu'il n'a pas le temps, comme eux, de passer son temps à polir des phrases. Il faut que l'argent rentre dans sa besace. Oui. Donc il y a urgence, en quelque sorte, une urgence matérielle qui prend sens dans les Rougon-Macquart. Alors, dans les Rougon-Macquart, justement, voyons comment cela se traduit. Je vais vous diffuser un extrait du Ventre de Paris, et puis vous allez nous dire, Frédéric Giraud, si vous pensez qu'on peut y trouver la personnalité, mais surtout la trajectoire sociale de Zola. Florent levait les yeux sur le cadran lumineux de Saint-Eustache, sans même voir les aiguilles. Madame François causait avec la mère Chantemesse, debout, discutant le prix de la botte de navet. Et Florent se rappelait qu'on avait manqué de le fusiller, là, contre le mur de Saint-Eustache. Un peloton de gendarmes venait d'y casser la tête à 5 malheureux, pris à une barricade de la rue Grenetat. Les 5 cadavres traînaient sur le trottoir, à un endroit où ils croyaient apercevoir aujourd'hui des tas de radis roses. Lui échappa au fusil parce que les sergents de ville n'avaient que des épées. On le conduisit à un poste voisin en laissant au chef du poste cette ligne écrite au crayon sur un chiffon de papier, pris les mains couvertes de sang, très dangereux. Jusqu'au matin, il fut traîné de poste en poste. Le chiffon de papier l'accompagnait. On lui avait mis les menottes. On le gardait comme un fou furieux. Au poste de la rue de la Lingerie, des soldats ivres voulurent le fusiller. Ils avaient déjà allumé le falot quand l'ordre vint de conduire les prisonniers au dépôt de la préfecture de police. Le surlendemain, il était dans une casemate du fort de Bicêtre. C'était depuis ce jour qu'il souffrait de la faim. Il avait eu faim dans la casemate et la faim ne l'avait plus quitté. Il se trouvait une centaine parqués au fond de cette cave sans air, dévorant les quelques bouchées de pain qu'on leur jetait ainsi qu'à des bêtes enfermées. Lorsqu'il parut devant un juge d'instruction, sans témoin d'aucune sorte, sans défenseur, il fut accusé de faire partie d'une société secrète. Et comme il jurait que ce n'était pas vrai, le juge tira de son dossier le chiffon de papier, prit les mains couvertes de sang, très dangereux. Cela suffit. Une lecture cette fois-ci par Guillaume Gallienne. Alors nous avons poussé évidemment assez loin l'hypothèse que se sentant rejeté, se sentant déclassé, Zola avait imaginé ces personnages de paria, comme en l'occurrence le personnage de Florent qui, on vient de l'entendre, revient à Paris alors qu'il s'est échappé du bagne où il a été envoyé à tort pour sédition. Est-ce que vous y alliez, vous, jusque-là, Frédéric Giraud, ou est-ce que c'est allé un peu trop loin? Alors, je n'irai pas jusque-là. Je ne suis pas allée jusque-là. Pourtant, la littérature, c'est bien extrémisé, parfois, oui, des sentiments qu'on a. Sauf que, il me semble que Zola, justement, lorsqu'il se donne à voir sous les traits d'un personnage dans ses romans, et notamment dans les Rougon-Macquart, il se donne à voir comme celui qu'il est réellement. Notamment à travers le personnage de Sandoz, qui n'est qu'autre que lui-même dans le métier des lettres, avec une femme, une mère qu'il doit soigner, etc. Alors d'où lui vient l'inspiration, par exemple, pour ce personnage de Florent? Est-ce que ça, c'est uniquement le fruit de son imagination? Alors non, pas du tout. Ce n'est pas le fruit de son imagination. C'est un personnage qui donne aussi à voir quelque chose de Zola, mais pas le Zola des lettres. C'est le Zola justicier, en quelque sorte. Le Zola qui veut rendre justice aux misérables. Le Zola qui porte la critique de la société bourgeoise et le Zola qui prend sa revanche contre le sort. Oui. Zola est dans tous ces personnages, selon vous? Alors Zola n'est pas... Alors Zola est derrière tous ces personnages au sens où il donne, à travers eux, une représentation du monde social. Après, je ne dirais pas que Zola est dans tous ces personnages au sens où il ne s'y représente pas. Mmh. Zola a des doubles fictifs dans les Rougon-Macquart, ou en tout cas qu'on peut définir comme des doubles fictifs assez... que l'on peut énumérer. Sandoz, effectivement, Claude Lantier dans l'œuvre. On peut aussi un peu le retrouver chez Eugène Rougon, un peu chez l'ingénieur Hamelin. On peut le retrouver chez Aristide Saccard. Si on devait chercher Zola derrière tous ces personnages, on échouerait à en retrouver en tout cas les traces objectives permettant de le démontrer. Mais Zola, ça peut être aussi Félicité Rougon. Quelle mesure ? Dans la mesure où Félicité Rougon est un personnage qui porte dans toute la série des Rougon-Macquart l'envie de réussir et de faire réussir sa famille. Et Zola, à travers elle, en quelque sorte, fait famille, puisque les Rougon-Macquart sont en quelque sorte sa famille, il le dit dans une lettre, mais aussi il montre et il démontre auprès de ses pères, mais peut-être aussi à sa mère, qu'on peut réussir par les lettres et qu'il a réussi à faire fructifier le nom de Zola. Mmh. Donc la question de l'autobiographie, qui est un peu anachronique, hein, l'autobiographie, ça n'existe pas en tant que telle dans la littérature du 19e, mais vous la posez quand même néanmoins, justement pour répondre qu'il ne s'agit pas réellement d'autobiographie, Frédéric Giraud. Alors je la pose effectivement en considérant qu'un écrivain parle forcément de lui-même dans ses romans. En tout cas, c'est ce que j'essaye ensuite de démontrer en donnant des preuves, notamment dans la correspondance, dans les fictions, à travers l'analyse de ce que j'appelle des schèmes littéraires ou des structures narratives récurrentes qui se donnent à voir dans les Rougon-Macquart. Alors la sociologie, évidemment, c'est beaucoup d'où l'on vient, et s'intéresser à un écrivain qui a refait l'arbre généalogique de deux familles, puisqu'en fait ce sont quand même plutôt deux familles ou deux branches d'une même famille, voire même trois si l'on considère aussi la branche des Mouret. On peut considérer que Zola a assigné un profil sociologique très clair à chacune des branches des familles qu'il a imaginées, Frédéric Giraud? Alors, Zola n'a pas assigné un profil sociologique, mais un profil héréditaire et physiologique. Est-ce que c'est pas un peu la même chose, alors, du coup? Voilà, ce sont les termes de l'époque. Et effectivement, la sociologie n'existe pas à l'époque. Alors, je ne vais pas dire que Zola se fait plus sociologue que les sociologues, mais effectivement, lorsqu'on le regarde en sociologue, on peut se dire que le découpage de la société française qu'il fait en cinq mondes sociaux, avec effectivement des conditions sociales concrètes de vie... Donc, cinq mondes sociaux qui sont... Le monde des paysans, le monde le monde à part dans lequel il va mettre Claude Lantier, Nana, le monde de l'aristocratie, de la bourgeoisie. En découpant ces cinq mondes sociaux, Zola réfléchit à des conditions sociales de vie en leur sein et à la manière dont ça influence des trajectoires sociales, à la manière dont des personnages sont en lutte pour monter dans la hiérarchie sociale, oui, ou ne pas descendre, comme Félicité Rougon. Comme tous ces mondes sociaux appartiennent à la même famille, puisqu'ils sont tous descendants d'Adélaïde Fouque, qui est la grand-mère de tous, qui était d'ailleurs un petit peu dégénérée, un petit peu folle. Traqué, oui. Et ça aussi, c'est quand même une hypothèse importante pour Zola. Donc on se retrouve avec Gervaise Macquart, qui est, comme on le sait dans l'Assommoir, une blanchisseuse. Et puis, de l'autre côté, on a des gens qui ont très bien réussi. Chez les Rougon, on a peut-être davantage réussi. Même Lisa Macquart, qui est donc la sœur de Gervaise Macquart, qui est également détient un magasin, elle a très bien réussi. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir pourquoi ces deux personnages ne se rencontrent pas davantage. Il y a des profils sociologiques qui sont au sein de la même famille, tous très différents. Alors justement, ce que ça donne à voir, c'est donc on est bien au sein d'une même famille, mais on n'est pas dans les mêmes mondes sociaux. Ouais. On ne vit pas dans les mêmes conditions sociales. Et effectivement, Lisa Macquart et Gervaise Macquart ne vivent pas dans les mêmes mondes, même si elles vivent dans la même société. C'est un reproche qu'on pourrait faire à Zola, parce que on peut se demander dans quelle mesure deux sœurs peuvent avoir des parcours qui sont pas tout à fait opposés, mais qui sont pas tout à fait les mêmes. Alors je ne dirais pas qu'on pourrait en faire le reproche, mais au contraire, voir ici un trait d'observation sociologique particulièrement pertinent, puisque effectivement, ce sont des conditions de socialisation qui sont différentes chez Lisa et chez Gervaise, et des expériences sociales du monde, des manières de s'y projeter qui sont tellement différentes qu'elles conduisent effectivement, et c'est ça qui intéresse Zola, à des trajectoires et des pentes de trajectoires complètement différentes. Mmh. Et justement, Zola, lorsqu'il théorise ce qu'il appelle le roman expérimental, c'est vraiment l'envie pour lui de placer des personnages dans des conditions expérimentales. En quelque sorte, de jouer le marionnettiste et de se demander, si je place un personnage dans telle condition sociale de vie, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça ne donne pas? Et on a donc justement, avec cette famille partitionné en deux branches, une façon de donner à voir ce que des conditions sociales produisent en termes de perspectives de vie, de ouais. manière de s'y engager. Ça signifie, du point de vue de Zola, éviter tout idéalisme rester au niveau du réel. L'idéalisme, c'est un peu son ennemi à Zola. Alors complètement, Zola reste ancré dans le réel. Il ne dénaturalise pas l'acte littéraire, il ne déréalise pas la condition littéraire et ses romans prennent à bras le corps le réel. Si on a justement des navets, des radis dans les romans, si on a des poissons rouges dans des bocaux, si on a donc une description ethnographique de la vie, c'est précisément parce que Zola ne peut pas se détacher des conditions matérielles d'existence oui. et donc les donne à voir dans ses romans. Oui. C'est d'ailleurs tout le sujet finalement de Zola que d'exprimer comment il est difficile de devenir quelqu'un, en l'occurrence écrivain pour ce qui le concerne, quand on n'a pas les conditions matérielles d'existence suffisantes. Effectivement, Zola a dû se battre toute sa vie et rembourser les dettes qu'avait contractées son père pour la Société du Canal pendant presque 20 ans de sa carrière littéraire, donc il sait ce que c'est. Et c'est l'objectif qu'il se donne dans sa carrière. Et oui, c'est de quoi il parle. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Frédéric Géraud, juste après, en compagnie des revues, avec Alexis Broca. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alexis Broca du nouveau magazine littéraire, notre partenaire. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu, bonjour Frédéric. Un mot peut-être sur Zola pour commencer ? Oh ben oui, j'étais très intéressé par ce que vous disiez sur le caractère pré-sociologique en quelque sorte de Zola. Alors j'avais été passionné dans ma jeunesse par un roman qui s'appelle La Curée. La Curée qui est un roman de Zola assez atypique puisqu'il raconte en quelque sorte la constitution d'une fortune chez un nouveau riche qui tire parti des travaux du baron Haussmann. Ça c'est précisément dans la branche des Rougon. Voilà, et c'est Monsieur Saccard si je me souviens bien. J'avais été... C'est la même branche, voilà. Pas plus ou moins. j'avais été assez sidéré par la précision avec laquelle Zola décrit la manipulation par laquelle Saccard, en récupérant les plans de la ville de Paris, si je me souviens bien, auprès des experts, parvient à acheter des immeubles qui vont être achetés par la ville de Paris. Il parvient à les faire surévaluer. Enfin bon, il y a une description quasiment technique de ouais. l'espèce d'escroquerie qui sera à l'origine de sa fortune. Et ensuite, cette vision de quelqu'un qui vit en fait en dépensant simultanément l'argent à mesure qu'il le gagne. C'est-à-dire qu'il a une espèce d'hôtel particulier qui est couvert de dorures, de statues. Je pense que ça parle beaucoup à un lecteur moderne parce que ce type sociologique existe encore aujourd'hui. Cette façon de montrer sa fortune existe encore aujourd'hui. Et en fait, à l'intérieur de ce roman, Zola installe une histoire qui est quasiment une histoire d'inceste qui dit la perversion interne à cette famille. En fait, c'est ainsi du moins que je l'avais compris. Ça m'avait fasciné. Voilà. J'avais beaucoup aimé La Conquête de Plassans aussi, mais je sais pas vous. Alors, sociologie encore, pourrait-on Mais dire, oui, dans le nouveau peu, magazine littéraire, voilà. puisque vous parlez des Gilets jaunes. Voilà, on a décidé en fait de consacrer un petit dossier aux Gilets jaunes, simplement parce qu'on a été frappé de voir des journalistes, des experts, des politiques livrer sur les Gilets jaunes des avis qui s'empilaient tous plus ou moins, qui se ressemblaient tous plus ou moins. La France périphérique contre la France des villes, la France qui conduit des voitures contre celle qui prend le métro, etc. Et bon, ces analyses sont sans doute justifiées, mais ça nous semblait toujours un peu incomplet et un peu daté aussi. Donc on a demandé à des écrivains de se pencher sur les Gilets jaunes, non pas depuis un surplomb d'experts, hein, mais on leur a pas demandé d'expliquer le mouvement des Gilets jaunes, on leur a simplement demandé de l'approcher avec leur empathie, leur capacité à produire des rapprochements inattendus et à prendre des chemins intellectuels que les professionnels de l'analyse ne discernent souvent pas. Par exemple, on a Arnaud Bertina qui prend pour point de départ cette Marianne qui a eu la figure fracassée par les manifestants dans l'Arc de Triomphe. Il nous rappelle qu'il s'agit d'une Marianne martiale, une Marianne sans douceur, hein, qui appelle le peuple. Elle fait peur même cette Marianne. Mais oui, sans son œil, elle fait encore plus peur. Elle est là pour déjà avant, elle faisait bien peur. Elle est là pour vous inciter à partir en guerre, Mathieu. Et voilà. Bertina rappelle comment cette la vandalisation de cette Marianne a suscité des réactions scandalisées, y compris chez ses amis d'ailleurs, y compris chez des gens qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Et puis s'étonne, on aime les images violentes d'un passé violent. Et on condamne la violence quand on en est le contemporain. Voilà. Mmh. On condamne la violence des manifestants qui s'attaquent à une sculpture qui représente la violence. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on reproche aujourd'hui aux manifestants ce qu'on trouvait admirable chez les sans-culottes, comment est-ce qu'on peut dire que la violence ne règle rien puisque notre pays, en quelque sorte, en est issu? Évidemment, Arnaud Bertina, il ne fait pas un éloge de la violence, hein, mais il remet en perspective le mouvement d'un gilet jaune dans notre histoire et dans notre petit monde symbolique. Et du coup, on le perçoit différemment, ouais. En effet. Également, un article de Nathalie Quintane, toujours sur les gilets jaunes, dans le nouveau magazine littéraire. Oui, alors ça, c'est un article très drôle où Nathalie Quintane, qui est une romancière avec beaucoup d'humour souvent, elle observe avec ironie que la décentralisation a enfin porté ses fruits, que le mouvement des gilets jaunes le montre. Nathalie Quintane écrit « Enfin, le jeune paysan peut dire aux vieux zadistes « Je t'ai compris ». Enfin, le gamin des quartiers envoie au lycéen du centre-ville « Oublie pas ton masque à gaz ». Enfin, le cheminot retraité, l'infirmière, la coiffeuse, le prof de collège, la boulangère, le garagiste, la motarde, l'intérimaire, le chômeur, l'étudiant ont un objectif commun. Cette entente, bien sûr, a été préparée en amont. Même taxe, même mépris englobant, pas de distinction. » Et en fait, pour Nathalie Quintane, le mouvement des Gilets jaunes a provoqué une sorte d'inversion de la sidération. Son texte, en fait, montre le réveil d'un peuple qui ne votait plus, ne bougeait plus, que ses dirigeants avaient tendance à croire inerte. Et un peuple qui était effectivement sidéré par le sort qu'on lui faisait, selon Nathalie Quintane. Et tout à coup, ce mouvement que les politiques ne comprennent plus provoque chez eux une certaine forme de sidération. Allez, dernier exemple d'une contribution d'écrivain à ce dossier Gilets jaunes du magazine littéraire, avec quelqu'un qu'on connaît bien ici à France Culture, Aurélien Bélanger, qui officie le matin dans la matinale de notre chaîne. En effet, Aurélien Bélanger, fidèle à son goût pour l'aménagement du territoire, il nous parle des ronds-points, et ce qu'il appelle le peuple des ronds-points. Et puis aussi, si je peux me permettre, on a quand même un truc génial. On a cette vision des gilets jaunes à travers BFM TV par Arnaud Vivian. Ah oui. Arnaud Vivian, il convoque Ballard, en fait, cet écrivain britannique d'anticipation, souvent. Et il imagine une émission fictive qui s'insère dans la réalité où Ballard commente les gilets jaunes et écrit dit je vous l'avais bien dit, puisque c'était dans tout cela, toute cette révolte spontanée était dans l'un de mes romans. Voilà. Eh ben merci beaucoup, ça nous donne envie de lire le numéro. Alors il sort demain, mais c'est quand même le numéro de janvier. C'est le numéro de janvier, janvier commence très tôt. Du nouveau magazine littéraire. Oui. À bientôt Alexis. Merci. C'est la suite de la Compagnie des auteurs. Vous êtes bien sur France Culture. Nous continuons à parler de l'écrivain Émile Zola en sociologie avec Frédéric Giraud, sociologue. Maintenant, chaque soir, chez les Maheu, on s'attardait une demi-heure avant de monter se coucher. Toujours Étienne reprenait la même causerie. Est-ce qu'on était des bêtes pour être ainsi parqués les uns contre les autres au milieu des champs, si entassés qu'on ne pouvait changer de chemise sans montrer son derrière aux voisins? Et la famille partait de là. Chacun disait son mot, pendant que le pétrole de la lampe viciait l'air de la salle, déjà empuanti d'oignons frits. Non, sûrement la vie n'était pas drôle. On travaillait en vrai brut à un travail qui était la punition des galériens autrefois. On y laissait la peau plus souvent qu'à son tour. Tout ça pour ne même pas avoir de la viande sur la table le soir. Et quand on arrivait le dimanche, on dormait de fatigue. Les seuls plaisirs, c'était de se saouler ou de faire un enfant à sa femme. Encore la bière vous engraissait le ventre et l'enfant plus tard se foutait de vous. Non, non, ça n'avait rien de drôle. Alors la Maheude s'en mêlait. L'embêtant, voyez-vous. C'est lorsqu'on se dit que ça ne peut pas changer. Quand on est jeune, on s'imagine que le bonheur viendra, on espère des choses. Et puis la misère recommence toujours. Que vous inspire cet extrait de Germinal, lu par Guillaume Gallienne, Frédéric Giraud ? la volonté de Zola de montrer à voir les inégalités telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient ou qu'elles soient montrées par d'autres. Zola prend à bras le corps les inégalités et veut les montrer au plus près de la réalité et compose pour cela, c'est bien connu, des dossiers documentaires, ethnographiques. Il descend dans les mines, dans Germinal, pour donner à voir la vraie vie des mineurs. Il expérimente par lui-même la vie des personnes qu'il veut donner à voir. Donc cet extrait donne à voir l'ambition. De terrain, du coup. Voilà, un ethnographe de terrain, en quelque sorte, avant l'heure, qui, en tout cas, fait grand cas des sources qu'il utilise et des témoignages réels qu'il peut collecter ou des dessins qu'il va faire sur place lorsqu'il est sur le terrain et qu'il prend en note les rues, les vitrines, pour le Vendre de Paris, ce genre de choses. Alors, ça va même un peu plus loin, Frédéric Giraud, parce que quand Zola décrit, il agit aussi sur le monde. Et vous reprenez la formule du pouvoir performatif du romancier, pour Zola, dire c'est faire, en effet. Alors effectivement, dire c'est faire. Montrer les inégalités, c'est faire quelque chose. C'est faire en quelque sorte un acte politique pour dire, moi Zola, regardez, en tant que je suis Zola, l'auteur des Rougon-Macquart, qui commence à avoir une notoriété certaine dans le champ littéraire, je vous montre ces inégalités et je vous dis qu'elles sont injustes. Donc effectivement, dire c'est prendre position ici. Après, dire c'est faire, c'est aussi pour lui-même et pour sa carrière, parce qu'on pourrait interpréter ça d'une certaine manière comme un coup joué dans l'espace littéraire. Si lui montre ces inégalités de cette manière-là et non pas d'une autre manière, en les montrant dans une verve critique, dans une volonté de prendre sa revanche contre les autres ou de dire aux mineurs, de dire aux ouvriers, prenez votre revanche contre le sort, c'est aussi une manière de les encourager à faire. Vous avez le sentiment qu'il a eu une influence sur le monde social lui-même? Alors après, c'est peut-être plus à un historien qu'il faudrait poser la question. Je dirais que Zola, alors sans répondre complètement à votre question, a donné à voir des possibles et des manières d'agir dans le monde social qui ont certainement eu des répercussions, puisqu'on peut voir, les études de Colette Becker l'ont montré, que Zola a été extrêmement emprunté dans les bibliothèques populaires. Zola a été lu par le monde ouvrier. Donc Zola a sans doute contribué à faire faire des choses et à faire prendre conscience, en tout cas, de la réalité sociale telle qu'elle était vécue par les ouvriers. Et du coup, à faire aussi émerger, un peu plus tard, au moment où la sociologie émerge, des théories sociologiques, puisqu'il réfléchit sans cesse aux destins sociaux, aux inégalités d'accès, aux différentes positions sociales. C'est vraiment son sujet, alors qu'il ne le théorise pas. Mais pourtant, derrière, des sociologues vont le théoriser pour lui. Et peut-être en se basant aussi sur cette expérience, ces expériences qu'il a faites à travers la littérature. Alors effectivement, on peut analyser la sociologie de la mobilité sociale ou de l'ascension sociale en prenant comme appui les ouvrages de Zola, les romans. Par exemple, quel personnage serait symptomatique de ça ? Le personnage d'Aristide Saccard qui, par une manipulation symbolique, change son nom de famille de Rougon pour Saccard, parce qu'il y a deux C dans Saccard et qu'on entend l'argent. Manipulation symbolique qui est aussi une volonté de changer d'espace social pour Aristide Saccard dans la curée. On le retrouve ensuite dans l'argent, mais c'est vraiment ça, c'est une manipulation des places sociales, un changement des déterminismes sociaux. Oui, il y a la mise en face à face de ceux qui réussissent et de ceux qui n'y arrivent pas. Tout à l'heure, vous avez parlé de Lisa Macquart qui réussit avec son commerce, alors que Gervaise, elle, n'y arrive pas malgré tout le travail qu'elle y met, toute l'ardeur finalement qu'elle déploie dans pour faire tourner son magasin. Je pense qu'il est vraiment important de comprendre que pour Zola, qui a espéré une ascension sociale et qui a dû en rabattre sur ses espérances pendant un temps, il était vraiment important de donner à voir deux mondes sociaux. Un monde qui réussit et un monde qui ne réussit pas, et de s'interroger sur les raisons qui font qu'un monde parvient à en découdre et un monde ne parvient pas à réussir. Alors, quelles explications donne-t-il justement ? Est-ce qu'il va aussi loin que cela ? Alors Zola ne donne pas d'explication. Il y a l'alcoolisme. Il y a l'alcoolisme, c'est. Mais on ne peut pas dire qu'il le théorise en tant que tel. C'est-à-dire que ça fait partie du protocole, en quelque sorte, expérimental qu'il s'est donné à travers la lecture des physiologistes à la fin du XIXe siècle. Il ne reprend pas complètement à son compte les thèses, mais il les met au travail dans la fiction, en quelque sorte. Oui. Après, pour lui-même, c'est important de voir qu'il y en a qui réussissent. Et justement, il porte son intérêt à ces personnages comme Félicité, comme Aristide, comme Eugène Rougon, qui ont une fougue indécrottable, en quelque sorte, et qui la portent à bout de bras contre leur famille, contre leurs amis, mais qui veulent réussir et qui réussissent. Alors justement, on peut se poser la question du regard que porte Zola sur ceux qui réussissent, et notamment sur les Saccards. On va en parler, mais je vous propose d'abord d'écouter un extrait justement de « La fortune des Saccards ». La fortune des Saccards brûlait comme un feu de joie colossal. C'était l'heure où la curée ardente emplit un coin de forêt de l'aboiement des chiens, du claquement des fouets, du flamboiement des torches. Les appétits lâchés se contentaient enfin, dans l'imprudence du triomphe, au bruit des quartiers écroulés et des fortunes bâties en 6 mois. La ville n'était plus qu'une grande débauche de millions et de femmes. Le vice venu de haut coulait dans les ruisseaux, s'étalait dans les bassins, remontait dans les jets d'eau des jardins pour retomber sur les toits en pluie fine et pénétrante. Et il semblait la nuit, lorsqu'on passait les ponts, que la Seine charriait au milieu de la ville endormie, les ordures de la cité, miettes tombées de la table, nœuds de dentelle laissés sur les divans, chevelures oubliées dans les fiacres, billets de banque glissés des corsages, tout ce que la brutalité du désir et le contentement immédiat de l'instinct jettent à la rue après l'avoir brisé et souillé. Alors c'est aussi un beau morceau de littérature, Frédéric Giraud, mais c'est également propice à l'analyse sociologique. Oui, on voit que Zola est finalement assez critique quand même avec ceux qui réussissent en gaspillant l'argent, en le dilapidant, alors que lui-même est dans une stratégie plutôt de thésaurisation. Conditions matérielles obligent. Il n'est pas du côté de la fête alors. Il n'est pas du côté de la fête. L'immense fête, un peu dégoulinante, comme on vient de l'entendre. Non, il est très critique vis-à-vis de cette manière de procéder avec l'argent, de cet argent qui coule et qui n'a plus aucune valeur parce qu'il n'a pas vraiment été gagné par l'ascétisme rigoureux que l'on s'oblige à avoir jour après jour, comme lui-même en quelque sorte. Le type d'argent que Zola valorise, c'est l'argent besogneux, c'est l'argent du travail récurrent, régulier, ascétique. Mais alors dans l'argent justement, est-ce que l'argent est bien gagné? Est-ce que là il peut approuver finalement ceux qui gagnent de l'argent à la bourse par exemple? Alors il ne l'approuve pas, mais dans l'argent typiquement il y a deux discours sur l'argent de Zola. Il y a l'argent qui permet de faire des grandes entreprises, d'aller investir, d'aller inventer systèmes ingénieux et qui donne à voir en quelque sorte d'une façon métaphorique les projets industrieux de son propre père qui a dû avoir beaucoup d'argent et investir pour monter la société du canal, pour les projets qu'il a mis en place. Donc l'argent est à double tranchant. Lorsqu'il permet de donner, de construire des choses concrètes, des choses qui permettent d'améliorer la vie des gens, en quelque sorte c'est du bon argent. Et de l'autre côté, l'argent lorsqu'il est mal utilisé est un argent qui corrompt. Et qui corrompt les mœurs, les valeurs morales, telles qu'on le voit dans la curée et dans l'argent. Donc c'est aussi l'éternelle frontière entre la finance, la spéculation, et puis l'industrie dont est issu le père, comme vous venez de le dire, de Zola. Et ça, on imagine que quand même c'est très fort pour lui, ce côté entrepreneur de François Zola. C'est effectivement très fort pour lui, puisque Zola a été vraiment élevé dans l'image de ce père industriel, de ce père inventeur de procédés techniques. Il a été donc initié à cette volonté et à cette mémoire magnifiée d'un industriel. Et il le donne à voir dans plusieurs personnages. L'ingénieur Hamelin est un personnage d'inventeur qu'il porte au nu. C'est-à-dire, c'est un ingénieur qui réussit et qui travaille l'argent correctement. Zola, lui, il est plutôt du côté de la patrimonialisation. Il investit dans la pierre, il investit dans le domaine de Médan, et il construit une tour nana, une tour germinale. Il donne des noms de la fiction à son patrimoine matériel pour incarner sa réussite par les lettres. Alors, j'ai une citation de L'Argent, je vous la lis. Il est vraiment le poète du million, il parle de Saccard. Tellement l'argent le rend fou et canaille. Oh, mais canaille dans le très grand. Et là, on sent qu'il y a une forme d'admiration tout de même pour l'ascension sociale par l'argent de Saccard. Effectivement, comparer Saccard à un poète, c'est d'une certaine manière en faire un petit double fictif, au sens où on reconnaît chez lui l'invention, le génie de celui qui s'est donné un objectif d'ascension sociale et y est parvenu malgré les soubresauts sociaux de la trajectoire de Saccard. Mais effectivement, il y a de l'admiration dans le Aristide Saccard de l'argent et pas trop dans celui de la curée. Saccard jamais vaincu, Saccard grandit, haussé jusqu'à l'intelligence et la bravoure de grands financiers. Ça, c'est dans le docteur Pascal. Pourquoi ça revient quand même? Effectivement, la bravoure de celui qui investit, qui se donne un projet et qui se donne à cœur de le réussir. Est-ce que ça nous parle du capitalisme quand même, cette œuvre Les Rougon-Macquart qui se passe au 19e siècle du capitalisme triomphant, tout est bouleversé, y compris les rapports sociaux. C'est une somme sur le capitalisme pour vous, Frédéric Giraud? Alors on pourrait sans doute le relire comme ça, en allant traquer dans la fiction les moments où on pourrait avoir des tranches de vie de ce qu'est le capitalisme. Mais je dirais que si ça en est une, c'est déjà à travers Zola lui-même, qui en quelque sorte est un héros du capitalisme entrepreneurial, par la littérature certes, mais déjà la manière dont il gère son service de presse, ses ventes, les traductions, et porte une attention très sourcilleuse aux rentrées d'argent, au fait qu'on ne le vole pas, c'est d'une certaine manière entreprendre avec un esprit capitaliste. Et puis il y a quand même Au bonheur des dames, par exemple, cette description des grands magasins. Il y a Le ventre de Paris, qui est aussi la description du cœur battant de la distribution de denrées dans Paris. Donc ça, c'est La bête humaine aussi qu'on pourrait citer. Ça, c'est vraiment des peintures du capitalisme, vous ne croyez pas? C'est des peintures d'un monde en évolution, en révolution, un monde où on peut investir, où les choses changent. Et Zola avait vraiment l'ambition d'écrire une littérature pour ce monde en mouvement. Il l'écrit, il veut de la littérature de son époque. Et donc donner à voir le chemin de fer, donner à voir des grands magasins qui sont en construction, c'est d'une certaine manière faire partie de son époque et la donner à voir à travers sa manière de voir les choses, mais donner à voir effectivement le capitalisme en construction. Alors vous insistez beaucoup, Frédéric Giraud, sur l'idée que les Rougon-Macquart, on est plus face à la lutte des places qu'à la lutte des classes. Et j'aimerais que vous développiez un petit peu sur cette idée. Pourquoi faire cette différence? Alors en fait, c'était en quelque sorte un jeu de mots avec le terme de déclassement que j'avais mis dans le titre. Lutte des places, parce que dans l'espace littéraire, les gens ont des places et ont des places liées à des capitaux dont ils sont détenteurs et ils s'y construisent une place. Je voulais attirer l'attention sur le fait qu'on peut se construire un personnage, qu'on peut se présenter, entretenir des postures dans l'espace littéraire qui permettent de petit à petit gravir des échelons dans l'espace social et gagner de place en place sa réussite, son nom, avoir son nom à l'Académie française, ce que n'aura jamais Zola, ou avoir aussi une place du côté financier. Mais c'est un peu contre-intuitif parce que Germinal, par exemple, c'est vraiment la lutte des classes. Or là, ce qu'on comprend un petit peu en creux, c'est que pour sa trajectoire personnelle, Zola valorise plutôt un destin individuel. Il ne s'agit pas, par exemple, de porter, je ne sais pas, les revendications des écrivains ou des classes qui seraient les classes d'artistes, si l'on peut s'exprimer de cette manière-là. Alors Zola va défendre la propriété littéraire des écrivains. Lorsqu'il est président de la Société des Lettres, il va défendre l'homme de lettres en tant qu'il est un entrepreneur et qu'il doit avoir des intérêts pécuniaires qui sont défendus. C'est un homme qui pense collectif pour vous, Zola. Il pense collectif, mais à partir de sa propre position. Il pense collectif du côté matériel des choses, parce que pour lui-même, ça a été la question névralgique qu'il ne devait pas oublier. Donc il y a quand même cette volonté de construire sa propre carrière avant tout. Merci beaucoup, Frédéric Giraud. Votre ouvrage, Émile Zola, le déclassement et la lutte des places, est disponible chez Honoré Champion. Vous l'avez publié en 2016 et les auditeurs qui le souhaiteraient pourront ainsi aller beaucoup plus loin que nous ne l'avons fait au cours de l'heure qui nous était impartie. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Amine Elmansari. Demain, suite de notre semaine Zola dans la compagnie des auteurs, nous serons avec Alain Pagès pour parler de l'affaire Dreyfus et aussi de l'école naturaliste fondée donc par Zola. Tout de suite, c'est le retour de la poésie avec, comme chaque jour, Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour Mathieu. Forcer l'ouverture des phrases pour regarder la signification exacte, peser les mots pour ne choisir que ceux qui nourrissaient mon propos et jeter le reste comme des coquilles vides. Emmanuel Laugier choisit cette citation de Charles Reznikoff pour sa postface d'un rythme décisif, postface au livre « Inscription paru chez nous » de Charles Reznikoff. Métro. Des gens qui bougent, d'autres immobiles, des foules et encore plus de foules, 1000, 10 000 poutres métalliques en guise de piliers. S'évader, mais comment? Enfermé dans le train qui roule? Et là-haut dans la rue, le soleil brille comme il brille en juin. Au début du livre, glose. C'est dans le chapitre « Une brève histoire d'Israël ». Moïse, qui a quitté un paisible palais et des promenades agréables dans un jardin au bord du Nil pour devenir berger dans un désert, pensait sans aucun doute que cela n'avait guère d'importance, que son peuple quitte ses corvées, les ordres des princes et les courbettes aux maîtres pour le désert, uniquement pour être libre. Assis dans le tramway, j'entends les bavardages sur moi. Et je n'envie pas Salomon qui comprenait tout autant le langage des oiseaux. De quoi parlent les oiseaux? Du temps qu'il fait, j'imagine. Oh certes, il rapportait à Salomon ce que l'on disait sur lui, si bien qu'il est devenu proverbial de ne pas parler du roi, même dans sa chambre, de peur qu'un oiseau le lui répète. Gaulois et grec loquaces, n'apprendrez-vous jamais de César à être bref? Et vous, juifs zélés, toujours compatissants, n'apprendrez-vous tout simplement pas à comprendre comme César? Plus loin dans le poème, issu de la force, la douceur, issu du corps mort du lion de Juda, les prophéties et les psaumes, issu des esclaves d'Égypte, issu des nomades, des déserts et des paysans de Palestine, issu des esclaves de Babylone et de Rome, issu des ghettos d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, de Pologne, la Torah et les prophéties, le Talmud et les études sacrées, les hymnes et chants des Juifs et issu des morts juifs de Belgique, Hollande, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, de France, d'Italie, de Yougoslavie, de Lituanie, Lettonie, Russie blanche et d'Ukraine, de Tchécoslovaquie et d'Autriche, de Pologne et d'Allemagne, issus de ceux qu'on a tant maltraités, un peuple qui enseigne et rend la justice, issus de ceux qu'on a pillés, un peuple généreux, issus de ceux qu'on a blessés, un peuple de médecins, issus de ceux qui ne rencontrent que haine, un peuple d'amour, un peuple compatissant. Dans le poème « Autobiographie » à New York, on trouve ces instantanés. Une petite photographie qui pourrait paraître des paraboles. Une rangée d'appartements, fenêtres murées, une usine vide, fenêtres brisées. Un monticule de feuilles mortes, d'herbes mortes, des vieux journaux et des boîtes de conserve rouillées. Arrive un groupe, en vieux habits et chaussures trouées, qui demande poliment « Le chemin, monsieur, si ça ne vous dérange pas, dites-nous le chemin, s'il vous plaît. » Jacques Bonafé, merci, à demain.